Tu pars sur les chemins. N'oublie pas les cailloux. Si tu veux rebrousser chemin, le jour où plus rien ne va, tout meurt en toi. Je suis seul sur le côté. Je regarde les gens passer. Je me heurte à l'absence. Le jour où plus rien en moi, tout meurt en moi. J'ai retourné mon chapeau, un morceau made in spleen, que je joue le matin, le jour où plus rien en moi, tout meurt en moi. Thank you.